Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Rocky. Pour la première fois, c'est fou, Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault vivent la question des Olympiques dans leur capsule humoristique. Et aussi, on reçoit Stéphanie Garnier comme à tous les jeudis. Assemblage Rocky, tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'émission Assemblage Rocky, votre émission du retour en pièces détachées. Salut Mathieu Plante. Salut Kiwan. Ça va bien? Ça va bien toi? Eh oui, content de te retrouver. Ouais, nous, quand on se lâche pour 5 minutes. Hein? On s'est même pas lâché. En fait. On s'est pas lâché. Hey, on a une super belle émission aujourd'hui. C'est jeudi, dernière de la semaine pour nous ici à Assemblage Rocky. On va avoir, comme à tous les jeudis, une capsule de Vidon-Ladon la question, mais cette semaine, c'est spécial. Oui, tellement spécial. C'est la première fois qu'on la diffuse, assez fou. En fait, c'est un ramassis de capsules olympiques. Ça va avoir lieu vers tantôt, je dirais, à peu près dans ces coins-là. Une primeur, ça. Oui, c'est ça. C'est exclusif. C'est une exclusivité exclusive, comme on disait. Mm-hmm. Ouais. Aussi vers la fin de l'émission, comme à tous les jeudis, on va recevoir Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori qui nous fait encore une fois une surprise cette semaine. On ne sait pas de quoi elle nous parle, donc on va l'apprendre tantôt vers la fin de l'émission. Vraiment agace cette fille-là. Je pense que c'est déplacé ce matin. Un peu, ouais. On en parlera avec elle tantôt. aussi, on a des cadeaux pour vous aujourd'hui à l'émission. On a des sushis et puis des films à vous faire voir, tout ça... Quel film? Plusieurs films, tu dis? Non, en fait, on a un film. C'est Martin Clear, The Whole Story. Ah, toute l'histoire de Martin Clear. La première mondiale qui a lieu ce samedi. Donc, un peu plus tard dans l'émission, on vous dira comment faire pour gagner une belle petite soirée samedi soir. On va faire un beau package deal avec tout ça. Là. Du miam miam puis du ha ha! Ça va être terrible. Et pour l'instant, Mathieu, on va commencer en musique. Avec un extrait du palmarès anglophone, la pièce Fever of the Time du groupe Zeus. Tout de suite à Assemblage Rocky. I'll pick up an NPC anymore. Avec The Ocean, précédé d'une pièce du palmarès anglophone par Zeus, c'était Fever of the Time. Oui, ben en fait, ce qu'on vient juste d'entendre, c'était Pony Up avec Shut Up and Kiss Me. Avant ça, on avait entendu It Again and Sarah. Excuse-moi, moi qui voulais embarquer en premier, puis finalement, c'est pas la bonne affaire. Hein? Ah, désolé, il y avait trois pièces dans ce bloc-là, et puis c'est ça. Donc, un extrait du premier album de Pony Up qu'on vient d'entendre avec un merveilleux vidéoclip de marionnette. Mathieu, je suis sûr que tu l'adorerais. Ben oui, y a-tu des Luigi-nettes? Non, par contre, y a pas de Luigi-nettes. Mario Luigi. Ah. T'aurais aimé que je fasse Mario et José des grandes gueules. Ah, mais là, arrête, Mathieu, s'il te plaît. Ouais. Vous êtes toujours à l'émission Assemblage Requis en compagnie de Kivon et Mathieu. Et on vous rappelle que bientôt, courant de l'émission, dans les prochaines minutes, on va avoir des cadeaux à vous donner. Est-ce qu'on peut dire exactement tout ce que comprend notre beau package deal? Notre forfait, si on veut. C'est ça. On vous organise votre fin de semaine, là, c'est ça qu'on fait. Il y a un faux documentaire, que moi j'aime bien appeler, mais les gens disent documentaire. Martin Clear, The Whole Story, ça a lieu samedi soir. On a des paires de billets pour ça. Et on a des certificats cadeaux chez Yuzu Sushi. Donc, deux prix qui normalement seraient séparés, que nous rassemblons ensemble. Et bonus feature, un CD. Un album de Jet, le dernier album du groupe Jet. Jet qui sont sur notre palmarès en ce moment, donc ça poigne. Et le mot en français, poigne, ça poigne beaucoup. Donc, on vous donne ça en forfait package deal. Je dirais que d'ici la fin de l'heure, là, d'ici 16h, on vous donne ce beau forfait cadeau. Ouh, mais écoutez, jusqu'après 16h, par exemple. Oui, quand même. Mais là, il y a évidemment la question qui s'en vient, il faudrait pas rater ça. Le meilleur s'en vient. Là. Le meilleur, est, ouais, pour le meilleur toujours, et pour le pire. On garde toujours le meilleur pour la fin. Ouais. Et on va écouter un petit bloc tout de suite de deux groupes qui vont être en spectacle à Shawinigan en fin de semaine. Vidéoville qui vont faire la première partie de We Are Wolves. Donc on va écouter les deux groupes. C'est au Trou du Diable le spectacle. C'est samedi le 6 mars. On va commencer ça avec la pièce Paloma de We Are Wolves à Assemblage Rocky. Pour le meilleur et pour le pire, c'est pour le meilleur contenu et la pire animation. Peut-être. Ouais. Ouais. Ça a du sens. Et maintenant, avec qui je vais m'engueuler, hein? Le groupe Vidéoville qu'on vient d'entendre avec l'excellente pièce, avec surtout un nom particulier, Richard Séguin, pris en otage dans une cheminée à Pointe-aux-Trembles. C'est le nom de la pièce de Vidéoville qu'on vient d'entendre. Étrange. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais très bon, ça, Vidéoville, et puis j'ai hâte d'aller voir ça en spectacle. Ça doit être vraiment bon. Mm-hmm. Oui. Samedi au Trou du Diable, avec We Are Wolves. Ça, c'est vrai. Et tu sais ce qui est vrai, véridique et véritable aussi? Mais toujours avec un certain doute. Oui, toujours, hein? C'est pas toujours très, très clair ce qu'ils disent. Mais bon, c'est la chronique C'est un fait, où on apprend des choses, on se renseigne avec des faits divers bien intéressants. Savais-tu, Kiwan, que la plus grande chute de neige, en une seule fois, une seule chute de neige, tout ça dans la même soirée ou journée? Là. Dans l'histoire et dans l'univers. Là. Exactement. C'est 189 pouces. C'était au Mount Shasta Ski Bowl, pas en une seule journée, c'était en une seule tempête de neige, apparemment. Genre, ça a duré longtemps. Ça a duré genre deux semaines. C'est 13 au 19 février 1959. Donc 180 pouces. 189 pouces, presque 190. C'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. En 1960, vas-y. Tu pourrais-tu convertir ça, mettons, en mètre? Sûrement pas. Ah, tu veux que je fasse ça, hein? Ouais, je suis sûr que je vais réussir à le trouver. Ça fait 4,8 mètres. 4,8 mètres, donc presque 5 mètres de neige. C'est ça. Bon, ça a-tu du sens? Ben, j'imagine. C'est ce que ça me dit. Est-ce que ça te donne une idée, toi, de comment c'est haut à peu près? Oui, c'est comme un poteau de téléphone à peu près, je dirais. Là. Pas tout à fait, un peu moins. Là. Mais c'était quoi? C'était du 13 au 19 février, donc c'est quoi? C'est Non, c'est quand même plus bas qu'un poteau de téléphone, mais c'est très haut, là. Ouais. En 1977, Kiwan, un jeune garçon de 13 ans a trouvé une dent qui poussait sur son pied gauche. Une dent qui poussait sur son pied gauche. Ah! Ridicule. Ridicule. Savais-tu que Burger King en Australie, ça s'appelle Hungry Jack's? C'est vrai. Ça s'appelle Hungry Jack's là-bas, pas Burger King. Donc si on va en Australie puis on voit un Hungry Jack's, ça va goûter la même chose que Burger King ici. Supposément. Et la pancarte lui ressemble beaucoup, donc tu vas te retrouver. Sûrement. Wow. Savais-tu que l'ornithorynque femelle, la femelle de l'ornithorynque, une ornithorynquette, hein, si on veut, ça sue du lait Oui, oui, sa sueur, c'est du lait, c'est vrai. L'ornithorynque qui a des... en fait, n'a pas de tétine, mais sue du lait à partir de glandes de sueur qui sont sur son abdomen. Les scientifiques ne sont pas sûrs pourquoi que ça a lieu, ça. Ils ne savent pas. Donc, quand t'as vu allaiter l'ornithorynque, ou je ne sais pas comment on l'appelle, faut qu'elle s'active, qu'elle fasse un peu de sport. C'est ça, un petit peu de treadmill. C'est ça. Le masque utilisé dans les films Halloween, le film, l'original, le premier Halloween avec Michael Myers, tu connais? Ben oui. Halloween. En fait, le masque était un masque de Capitaine Kirk dans Star Trek, mais peinturé blanc. Ah oui. C'est ça. Un masque de Capitaine Kirk d'Halloween, sûrement. Toutes des faits comme ça, avec aucune source de cité. Aucune. C'est toujours aucune. Le fun. En fait, je vais vous dire que les liens viennent du site OMG Facts, qui est sur omg-facts.com. Donc, si vous voulez aller chialer contre quelqu'un et leur dire « Vous faites pas tant de recherches que ça », faites juste trouver ça, paster sur Twitter. En tout cas. Prochain fait divers, en Virginie-Occidentale, qui est un État américain, hein, tu peux légalement piler avec ton chat, avec ta voiture, piler sur un animal et le ramener à la maison pour le manger. Et même, d'ailleurs, le 19e festival annuel Roadkill Cook-Off va avoir lieu au mois de septembre prochain. C'est comme dans le film Basketball. Ah, pas le film que j'ai dû stopper parce que j'étais pas capable de le regarder au complet parce que c'est trop mauvais. Ouais, moi, j'ai adoré ça, mais c'est vieux, ça fait genre 10 ans. En fait, c'est Ballon Chasseur, c'est pas Basketball. Non, ça me rappelle. C'est Dodgeball, ouais. Non, pas vu ça. Non, Basketball, c'est vraiment plus vieux que ça. Ah, c'est avec les gars de South Park, ça. Basketball. Ouais, ça se peut, ouais. En tout cas, je sais qu'à Mané, ils ont une cassette. Ils sont en train d'écouter une cassette chez eux, puis c'est comme les meilleurs roadkills ever, ou je sais pas trop. Puis là, c'est vraiment juste une caméra qui est dans une auto la nuit avec plein d'animaux qui revolent. Je trouve ça très, très drôle. C'est vraiment les gars de South Park, Trey Parker et Matt Stone. Ouais. Okay. Ouais. Très bon film. Ça a l'air bon. Tu l'as pas vu, j'imagine. Non, ben non. J'ai rien vu, moi, dans la vie. Savais-tu qu'un arc-en-ciel, lorsque tu vois un arc-en-ciel quand tu es dans un avion, il est possible de voir l'arc-en-ciel au complet comme un cercle et non pas juste un demi-cercle. Si dans un avion, tu peux voir le cercle au complet de l'arc-en-ciel. C'est assez intéressant. Et pour terminer, Kiwan, le fait le plus intéressant de la semaine, je sais pas si je t'en ai déjà parlé ou si t'en as déjà entendu parler, mais le plus long pénis en érection, d'accord? Humain? Ouais, et ça dit le plus large ici, pas le plus long, le plus large. Okay. Ça me dit largest erect penis, d'accord? Et là, chez l'humain, a été enregistré à 13,5 pouces. Ben, ça me dit de long, là. Ça me dit le plus large, mais ça me dit de plus long. En tout cas, 13,5, c'est le plus long. Bon, mais on va raconter l'histoire un petit peu, hein. Il appartient à un New-Yorkais, Jonah Cardelli Falcon, qui est un acteur américain et un animateur de talk show aussi. Son pénis mesurait 9,5 pouces de long lorsqu'il est au repos, hein, et 13,5 pouces à l'érection. Mais il dit que son magnifiquement gros pénis n'est pas quelque chose de bien dans sa vie. En fait, ça le condamne à une vie de solitude. Il vit seul chez sa mère et avec son pénis de baleine, nous dit l'article. C'est très, très classe. Et sans copine depuis 12 ans. Il dit que lorsqu'il rencontre des gens, c'est difficile pour eux de me regarder dans les yeux. Tout ce qu'il voit, c'est ce que j'ai dans mes pantalons. C'est devenu un grand problème pour moi. Quand j'étais plus jeune, je sortais avec des pantalons serrés et je couchais avec une femme différente à tous les soirs. En fait, femme et homme, là, il est bisexuel, mais bon, c'est dit dans l'article. Ici, ça dit ensuite qu'il a fini par avoir un genre de burn-out sexuel, et etc. Sa dernière relation s'est terminée en 1996. Et maintenant, il essaie de trouver une copine steady qui le prendra pas pour un freak show. Voilà. C'est Jonah Cardelli Falcon. Allez voir l'article sur assemblagerequis.com. Je vais pas aller chercher des photos. Des extraits de son émission, si c'est un animateur, non? Ben, exactement. Il y a sûrement des extraits quelque part. Ouais. En tout cas, quand tu parlais de photos, tu voulais pas vraiment voir sa face. Pas, en fait. Ouais. Tu voulais pas le replacer, là. C'était plus pour voir, là. Ok, ouais, je comprends. Pas nécessairement non plus. Bref. Voir, ouais, juste, ouais, ouais. Par curiosité. T'as les photos, là? T'es les as trouvées, non? Ben, il y a des photos où on voit un peu, là, ouais. Mais pas plus qu'il faut, là. Bon. Pas à date, en tout cas. Alors, c'est tout pour la chronique, c'est un fait? Je suis rendu à page 2, là. Hey, assemblagerequis.com, je l'étudie pour les liens. C'est là. C'est bon, pour aller voir les photos que Mathieu regarde présentement avec les yeux ronds et grands. Ben oui. C'est sûr. On va aller écouter une petite pièce de Ben de Garage, la pièce Campeur, tout de suite à Assemblage Requis. 13,5 pour soir. Ma bouche qui goûte le cendrier. Pièce Les yeux gelés du groupe Grosse Distorsion, un groupe que je connaissais pas et que Simon nous a fait découvrir hier, et j'adore ça, Grosse Distorsion. C'est vraiment très bon. Avant de passer au prochain sujet, Mathieu, juste avant, c'était Le Monde dans le feu qu'on a entendu. Christ n'est pas belle. Oui, c'est ça, la pièce Christ n'est pas belle du Monde dans le feu. Le Monde dans le feu vont être en spectacle avec Brun Citron et David Simon. C'est demain soir, vendredi le 5 mars, au Café-Bar Le Zénob, ici à Trois-Rivières. Donc, évidemment, c'est pour ceux qui aiment la musique un peu trash et un peu différente. C'est sale. C'est très bon, là, Le Monde dans le feu. Ouais. Brun Citron, là, c'est comme un... C'est assez minimaliste, c'est du ukulélé trash, je dirais. OK. Ouais. Intriguant, ça. Mm-hmm. Ce qui m'intrigue, moi, c'est l'actualité du campus. C'est les choses qui ont rapport avec l'UQTR, ça va être ça? Ben, on va aller jeter un coup d'œil tout de suite. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. On parle du plus récent numéro du journal Zone Campus qui est en kiosque en ce moment et jusqu'au 15 mars. Ça fait en fait un petit bout de temps qu'on n'a pas parlé du journal Zone Campus ici à Assemblage Requis. Oui, d'habitude, on le faisait avec le rédacteur en chef, mais on va le faire seul aujourd'hui. Oui, parce qu'on n'a pas de rédacteur en chef en ce moment au journal Zone Campus, voilà. aux intéressés. Bon. Donc, commençons par la section actualité de ce merveilleux Zone Campus. En couverture, on trouve le recteur de l'université, Ghislain Bourque, qui a vu son mandat renouvelé pour 5 ans. Monsieur Ghislain Bourque. On parle aussi d'une action sociale pour les femmes à l'UQTR. On dit en 2010, ça va marcher. On parle des jeux de la com, évidemment. Hein, mission accomplie pour leur gala Comment dire, avec plusieurs gens du bac en com qui participaient à ça à la mi-février. Voilà. Eux qui vont se rendre aux jeux de la com. En fait, qui sont là en ce moment, au Nouveau-Brunswick, pour les jeux franco-canadiens de la communication. Ils sont partis le 2 mars. Toujours en actualité, on a l'éditorial de Philippe Antaya, hein, son dernier éditorial à vie. Dans le journal Zone Campus, il parle de la hausse des frais de scolarité encore une fois. Justement, il y a un article qui va avec ça par Julien Saint-Laurent qui dit « La ministre Courchaine envisage une nouvelle hausse, donc dégèle les frais de scolarité. » On parle aussi d'un colloque en littérature pour la jeunesse à l'UQTR, une autre réussite. Hein. Et puis, on parle des élections générales de la GEQTR. On vous propose de poser votre candidature à un des postes du conseil exécutif et on vous dit même à qui ça s'adresse, comment faire, quand ça a lieu. La campagne électorale va avoir lieu du 15 au 25 mars et le débat va être présenté le 23 mars. Sinon, ben, la date limite pour déposer vos candidatures, c'est le 10 mars 2009. Wow! Donc, dans le coin du 10 mars, à 17h, mettons, cette année, je ne sais pas si ça va être exactement cette date-là, mais bon, c'est ce que ça dit dans l'article, peu importe. Comme toujours, la section opinion est là avec la comédie humaine de Manuel Marino. Et quelque chose de nouveau dans la section opinion, le Fantasque, qui est un dessin par Hubert Sanson, accompagné d'un beau petit texte. Voilà, ça c'est pour la section opinion. Côté art et spectacle, beaucoup d'art visuel cette semaine dans cette édition du Zone Campus. Dans les arts et spectacles, on parle entre autres de l'exposition... en mémoire de ces êtres aimés. Je ne sais pas si c'est exactement le nom de l'exposition. L'exposition s'appelle La Disparition. La Disparition. Donc voilà, c'est une exposition qui est présentée au Centre de diffusion Presse-Papier jusqu'au 14 mars. Aussi, une autre exposition à la Galerie d'art du Parc. Celle-ci s'appelle Antarctica, espace de fragilité. Donc, c'est présenté jusqu'au 28 mars, ça, à la Galerie d'art du Parc. Une autre exposition en art visuel, c'est ici à la Galerie 3R à l'UQTR. C'est un retour en fait sur les lumières sur les arts et la science. Donc ça, c'est un retour en fait sur l'exposition Lumière qui avait lieu du 15 au 26 février. Donc c'est terminé. Exposition de talents cachés, c'est un spectacle bénéfice de communication sociale. En fait, c'est un retour sur ce que tu disais tantôt. Ça parle encore du comment dire. Deux articles plutôt qu'un. Exactement. Donc, c'est vraiment un article complet sur le retour du gala, comment dire, ou du spectacle plutôt, comment dire. C'est un article de Mélissa Beaupré. Et voilà, je pense que c'est pas mal ce qui fait tout. On parle un bel article en plus sur les incorrigibles pour terminer à la section art et spectacle. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur les incorrigibles qui sont parfois ici à l'émission, de temps en temps, ça arrive. C'est ce qu'on a entendu dire, qu'il y avait une chronique à la radio. Aujourd'hui. Donc, c'est un article de Marinelle Marino sur les incorrigibles. Je vais me lancer un petit peu en sport. Les Patriots finissent leur saison 2009-2010 en beauté, hein, et les gens ils se sont serrés tellement qu'ils aimaient ça. Ils étaient sur la patinoire et se donnaient des embrassades tellement qu'ils ont gagné. On parle aussi des Patriots de l'UQTR qui passent en demi-finale de l'Est. On a une question Vox Pop en sport. Hein. C'est rare que ça arrive, ça, mais j'aime bien la question. Qu'avez-vous de prévu pour la relâche? Et les gens parlent de choses qu'ils vont faire, du sport et d'autres. C'est bon. Ça n'a pas vraiment rapport avec le sport, mais c'est en sport. On a aussi les Patriotes de la semaine. On parle de soccer aussi. 3 victoires consécutives pour les joueurs de Pierre Clermont en soccer masculin. Et première victoire dans la nette domination côté féminin. Et on donne un portrait aussi, on dresse un portrait de Daniel Dupont, le ministre de la Défense, comme on l'appelle. Voilà pour la section des sports du journal Zone Campus qui sera en kiosque du 1er au 15 mars et que vous pouvez retrouver en ligne sur lezonecampus.ca si vous voulez le lire sans gaspiller de papier. Voilà. Voilà, Zone Campus. Beau travail, Kiwan. Tag team. Clac. Bel job. On est quand même pas si pire à deux pour. On se débrouille. Ouais, on se débrouille. On se débrouille un peu pour animer une émission comme ça du lundi au jeudi entre 15h et 17h. Vous êtes à l'assemblage requis. Tout à l'heure, on va avoir la chronique humoristique des gars de vidéo dans la question et ça va être pour la première fois qu'on va l'entendre, cette capsule-là, sur les Olympiques. Et aussi, manquez pas, dans quelques minutes, on va vous donner notre cadeau dont on vous parle depuis le début de l'émission. Donc, billet pour aller voir la première du film Martin Clio, The Whole Story. On vous donne aussi un certificat cadeau pour Yuzu Sushi, donc pour des sushis. Et avec ça, on ajoute le dernier album de Jet. Donc, c'est un beau coffret cadeau qu'on vous a préparé ici à C'est quoi avec les différents partenaires de la station. Mm-hmm. Et on vous offre ça dans les prochaines minutes. Donc, restez bien à l'écoute. Pour l'instant, on va retourner en musique avec un extrait du palmarès anglophone, The Flight of the Conchords, la pièce Too Many Dicks on the Dance Floor. Too Many Dicks in the Studio. Il y en a juste deux. Pas tant. Pas tant, non. Il y a quelques autres. Too many dicks. Going to the party, sipping on Bacardi. Wanna meet a hottie, but there's Adam, Steve, and Marty. There's Billy, Todd, and Tommy. They're on the from the army. The only boobs I see tonight will be made up of origami. Tell the fellas, make it understood. It ain't no good if there's too much wood. Make sure you know before you go. The dance floor rojo ratio 5-1 is a rodeo. Tell Steve and Mike it's time to go. Wait outside all night till 5. 20 dudes in a conga line. Too many dicks on the dance floor. Easy to fix. Too many dicks on the dance floor. Spread out the dicks. Too many dudes with too many dicks. Too close to my shit. Too hard to meet chicks. I need better odds, more broads, less rods. I can't do battles. Get out of with the counter frogs. Too many men, too many boys, too many misters, not enough sisters. Too much time on too many hands. Not enough ladies, too many men. Not enough ladies, too many men. Not enough ladies, too many men. Too many men. Too many men. Song. Too many dicks on the too many dicks. WTF de OK Go. Un extrait du palmarès anglophone. Et maintenant, Mathieu, c'est le temps pour nous de donner notre fameux cadeau dont on parle aux auditeurs depuis tantôt. Est-ce que tu veux rappeler ce que ça comprend au juste? Ben, c'est une grosse affaire. C'est des prix qui normalement seraient individuels, mais que nous, c'est fou, on a décidé de rassembler pour vous faire une belle petite fin de semaine. On commence avec une belle soirée documentaire, focumentaire. Attends, je vais le dire focumentaire plus que focumentaire. Mockumentary. Mockumentary, exactement, un mockumentaire, c'est bon ça. Donc ça, c'est Martin Clear, The Whole Story. Je peux même t'en parler un petit peu si tu veux, c'est pour les gens qui ne connaissent pas encore ce film. En fait, c'est un film qui a été réalisé par un réalisateur de la région ici, de Trois-Rivières, qui s'appelle Martin Leclerc. Et donc, ça parle un peu de lui, Martin Clear, vous aurez compris. Donc, c'est un long-métrage de style faux documentaire qui évolue autour du concept d'un jeune trifluvien ambitieux voulant démarrer sa carrière d'acteur à Hollywood. Étant prêt à tout pour réaliser son American Dream, il décide d'écrire, de produire et de réaliser un long-métrage le montrant comme une vedette internationale. Afin d'augmenter ses chances de se faire remarquer et de percer aux États-Unis, il tourne son film en anglais. Donc, le vrai film, j'imagine, le Martin Clear, The Whole Story, est une production qui a coûté 50 000 $ seulement. C'est un long métrage, quand même, ça dure 90 minutes. Ça a été tourné en 26 jours ici en Mauricie. Il y a eu 26 jours de tournage en Mauricie. Il y a eu une journée à Beverly Hills et une à New York. Ouh. Il y a eu 250 personnes qui ont participé à ce tournage-là, majoritairement des gens de la région. Donc voilà, c'est la première de ce film-là qui va être présentée samedi le 6 mars à la salle J. Antonio Thompson. Et nous, dans le forfait qu'on vous offre, il y a une paire de billets pour aller voir Martin Clear, The Whole Story. Mais pas juste ça, il y a aussi un repas pour accompagner votre soirée, de la gracieuseté, en fait, de la part de Yuzu Sushi. Excellent endroit, j'y ai mangé, j'ai adoré ça. Donc, comptoir Yuzu Sushi, il y en a un à Trois-Rivières sur le boulevard des Forges, ça vient d'ouvrir. Univers recherché, décor zen, signature urbaine, service chaleureux, un menu tellement garni de choses plus excellentes les unes que les autres. Donc, Yuzu Sushi vous offre un bon rabais de 10$ qu'on va nous combiner avec ce spectacle-là, le film que tu mentionner le mockumentaire. Et comme si c'était pas assez, c'est fou rajoute un album de Jet qui était sur le palmarès anglo il y a pas longtemps. Et lui même, il vient de faire une nouvelle entrée, là, une deuxième pièce de cet album-là, KIA, qui vient d'entrer dans le palmarès hier. On va écouter tout de suite, d'ailleurs, on va écouter la pièce KIA, donc on vous donne cet album de Jet. Vous nous appelez tout de suite si ça vous tente de passer une belle soirée samedi avec tout ce qu'on vient de vous nommer. Vous nous appelez au 819-376-5183. On va prendre le Troisième appel, c'est bon. Donc, 819-376-5183. Et nous, on va aller écouter la pièce KIA de Jet. Vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 17h. Yeah. gonna ask if it makes her sad. Say, son, you've got so much to learn. The love life that you have kept. Smiling on your dying bed. You got a grace about you, yeah. Smoking her last cigarette. Puts on Patsy Cline, cuts a crust off sandwiches and mentions how she don't mind dying. Tells stories about Pearl and Earl, best friends that she once had. We do the dishes, then she says it's time for bed. The love life that you have kept. Smiling on your dying day. You got a grace about you, yeah. Smoking her last cigarette. Last night before she slept. No plans for breakfast except to read the note she left. Gray and white skies. That day was a blur for me. She made me promise not to cry. So here is a drink I drink to thee. The love life that you have kept. Smiling on your dying day. You got a grace about you, yeah. Colorado et Juliette Presley de Kia ou KIA de Jet. Et c'est ce qui met fin à la première heure de l'émission Assemblage requis pour aujourd'hui, mais restez là parce qu'il reste une deuxième heure. La dernière heure de la semaine pour nous, incroyable. Il va y avoir une toute nouvelle capsule pour la première fois, c'est fou, de la part des gars de Vidon. Alors la question, ça va être sur les Olympiques. Et aussi, ben vers la fin de l'émission, comme à chaque jeudi, on va avoir la visite de Stéphanie Gagné qui va venir nous faire sa chronique Ton plat favori avec une surprise cette semaine. Ah oui, elle aussi, elle est une toute nouvelle en passant. C'est toute exclusive, cette Stéphanie Gagné. Alors restez avec nous pour la deuxième heure d'Assemblage requis. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis, votre émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu. Oui, dans cette deuxième heure, il va y avoir, comme on le disait tantôt, la capsule nouvelle, toute exclusive de Vidon Landon la question. Ça s'en vient dans quelques minutes, ça, dans environ 5 minutes. C'est titillant, ça. Et aussi, tantôt, il y a quelques minutes, on a dit qu'on aurait, on avait une surprise, en fait, de Stéphanie Gagné, qu'on ne savait pas ce que ce serait. Mais en fait, on vient d'avoir un indice concernant la chronique de Stéphanie Gagné, ton plat favori. Et l'indice, c'est facteur humidex. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut-être parler de météo. Ah, peut-être. Des pièces qu'elle écoute quand il fait chaud. Peut-être parler de nos problèmes de genoux. Ah, oui, de l'eau chaude dans le genou. Ou peut-être de d'autres choses aussi, on sait pas. Aucune idée, en fait. Hein. Ça veut rien dire comme indice, mais j'aime ça, par exemple. C'est comme... ça nous fait penser. On devrait savoir d'ici environ une demi-heure, mais pour l'instant, on va aller écouter le groupe Petty Almost avec la pièce Hands à Assemblage requis. With our hands up high, we're screaming, oh, oh, oh. Groupe The Almost avec la pièce Hands à assemblage requis. Oui, maintenant, c'est le moment tant attendu, celui que tout le monde attendait depuis tant longtemps. Hein? C'est celui-là. C'est celle-là, une toute nouvelle capsule de... Vitons-la dans la question. Bon, tout le monde, est-ce que vous êtes en forme? Oui! Oui, bon. Bon, comme vous le savez, notre équipe de surveillance est là pour s'assurer que les Jeux se passent bien. Je veux pas que personne nuise à la tenue des Jeux olympiques ou travestisse ce glorieux symbole de l'idéal humain que sont les Jeux olympiques. Parce que les Jeux, vous savez... Hey, tout le monde! Sont... Je viens de tomber sur un cas de violation de l'image olympique! Oh, ben ça commence déjà! Je viens de chez AEW, puis ils utilisent le logo olympique sans notre consentement! Checkez ça! Ils ont sorti des onion rings olympiques. Ils te vendent ça en paquet de 5. T'en as une rouge, une noire, une verte, une jaune puis une bleue. Puis ils sont tous accrochés ensemble. Pareil, comme s'ils voulaient reproduire la forme des anneaux olympiques en onion ring. Bon, mais rends-toi sur place, illico presto, puis fais-les tous faire emprisonner. Du caissier jusqu'au concierge. OK. Hey, c'est quoi qui se passe dehors, là? Non, mais ça, c'est des manifestants qui dénoncent l'augmentation du nombre de sans-abri depuis l'annonce des Jeux olympiques. Le saut à ski, ça fait des sans-abri. Je comprends pas pourquoi ils se plaignent. Pourtant, les sans-abri, me semble qu'on avait trouvé un bon moyen de les intégrer aux compétitions. Tu parles de quoi, là? Ben, on avait organisé un lancer du sans-abri, tu te souviens pas? Ah, oui. Et le représentant de la Hongrie, Bertold Odini, qui se présente tout près du tas de vidange pour le lancer du sans-abri. Alors si tu veux bien, Vinny, nous rappeler les règles de cette discipline vancouveroise. Mais c'est pas compliqué, Gary. Il s'agit tout simplement de prendre le sans-abri dans ses bras et de le lancer le plus loin possible afin de nettoyer le quartier pour la bonne tenue des Jeux. Le Hongrois s'empare du robineux. Et il s'est lancé... Oh! Oh! Oh! Le robineux va très très loin! Quel beau lancer! Les pelles mécaniques qui ont justement maintenant le champ libre pour amorcer leur travail de construction d'habitations de luxe sur des terres volées. En tout cas, je comprends pas pourquoi que les gens se plaignent, moi. Michel, Michel, c'est le bordel! Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est les autochtones! Ça a l'air qu'en coupant des arbres anciens pour élargir l'autoroute, on a libéré des esprits de la forêt. Puis selon les autochtones, ces esprits-là pourraient venir hanter les touristes qui vont assister au jeu. Catastrophe! Qu'est-ce qu'on va faire? Ben là, on a invité des médiums inuits. Ils sont en train d'essayer de chasser les mauvais esprits en chantant la tune de Ghostbusters en chant de gorge, écoute! Et bon, Yann. Oh, oh, oh, ça c'est François, tu dois être arrivé au AEW. Allô? Écoute, Michel, AEW viole encore plus l'image olympique. Qu'est-ce qu'on pensait? Tu sais, AEW propose déjà le Mama Burger puis le Papa Burger. Ouais? Ben là, ils viennent de sortir un hamburger qui est comme un peu entre les deux. Le Caster Semenya Burger. C'est qui ça, Caster Semenya, déjà? Ben, c'est l'athlète sud-africaine hermaphrodite. Quoi? Ben oui, Michel, googlise femme athlète qui est un homme, puis tu vas tomber direct dessus. Écoute, Michel. J'y ai goûté, il goûte le Mama Burger, mais tu le regardes, il a l'air d'un Papa Burger. Mais coudonc, ils font ça exprès pour rire de nous autres! Je pense qu'il y a rien qui pourrait nous arriver de pire. Julien! Le fort, il vient de s'écrouler sur son chien! Hein? Cléo! Non! Cléo, non! Ah ben ça, c'est le bout du bout! Oh shit, on a oublié! Ah quoi? On est censé faire nos réunions dans les deux langues officielles! Ah c'est vrai, merde! Puis on a pas dit un mot du mot d'anglais! Bon ben, repassez-leur la toune de la guerre des tucs dans la langue de Shakespeare! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce volet olympiade culturel des Jeux olympiques de Vancouver. Ce soir se déroule ici la toute première compétition de chant de vitesse. Mon nom est Luc et je suis accompagné de Marc, mon analyste sportif. Bonsoir, Marc. Bonsoir. Alors, j'explique un peu comment ça va fonctionner pour l'épreuve de chant de vitesse. Le but est de chanter toutes les paroles d'une chanson le plus vite possible. Et pour la présente édition, dis-nous, Marc, quelle sera la chanson à l'honneur? Il s'agira de chanter le fameux reel d'Onden Lariden. Donc, pour chanter cette chanson, on a deux participants. D'abord, pour représenter la Chine, on a Dongding Chan. Dongding, son prénom sonne quasiment comme Donden, de la toune à l'honneur, Donden Lariden. Drôle de coïncidence. Oui, mais attends, Marc, de voir le nom du deuxième participant. Oh. C'est un Sénégalais. Et il s'appelle, attention, Matantalou Malimatou. Pareil comme dans la chanson. Pareil. Pareil comme quand on chante Donden Lariden, Matapatali Matou, Matantalou Malimatou, Matapatali Matou, Matantalou Lariden. C'est incroyable, Luc, un nom sénégalais qui se retrouve mot à mot dans une chanson traditionnelle québécoise. Bon, avant que la compétition commence, j'aimerais qu'on discute de la question linguistique parce que le comité olympique a reçu des plaintes de la part des anglophones du Canada qui ont dénoncé le fait que Donden Lariden n'est chanté que dans une seule des deux langues officielles. On a donc eu à traduire la chanson en anglais. Comment ça s'est passé? On a traduit Donden Lariden par les mots anglais Don't Bend Larry Then. Don't Bend Larry Then. Ça ressemble beaucoup à Donden Lariden. On a fait un beau travail. Oui, ça veut aussi dire que pour les anglophones, la chanson signifie « Penche-toi pas, Larry, éventuellement ». Oh! Marc, je dois t'interrompre. La compétition va commencer. Les participants s'avancent vers le micro et ils entament les premières mesures. Le fusil est en l'air. Les athlètes sont prêts. Et le signal de départ est donné. Pour l'instant, les deux participants sont à peu près à égalité. Allons voir où Malimatou en est rendu. Tout un athlète, ce Malimatou, n'est-ce pas, Marc? En tout cas, on peut dire que si dans la course à pied, les Noirs sont avantagés par leur constitution physique supérieure, on peut dire que dans le champ de vitesse, ils sont avantagés par le fait qu'ils prononcent pas leur R. Et on vient tout juste de passer le moment de la chanson où le cordonnier flanque ses outils par terre et maudit son métier. Non! Oh, le Chinois vient de s'enfarger dans sa bouche! J'en ai fini pour le bang ding. Et voilà, on est dans le dernier couplet et voilà! Donc, j'espère qu'on a bien entendu à la maison. C'est Matantalou Malimatou qui finit en premier. Et à peine deux secondes plus tard, Dong Ding Chan prononçait le Matantalou Larry de la fin. Alors, pendant que les bénévoles s'affairent à essuyer les positions sur les micros, on peut voir sur écran géant le grand perdant de cette compétition, Dong Ding Chan, qui est accueilli par la délégation chinoise et qui, évidemment, bon, est traité de la façon traditionnelle dont on traite les athlètes chinois qui ne performent pas aux Olympiques. Et là, au son, c'est un peu mélangeant parce qu'il y a la compétition de tir au pigeon d'argile qui vient de commencer tout juste à côté. En fait, on était en train de lui préparer un thé, là. Oh, il y a eu plus de peur que de mal. Oui. Donc, restez avec nous après la pause, la suite des Olympiades culturelles. On assistera, entre autres, à de la descente aux enfers de chanteurs rock déchus, ainsi qu'à un combat de designer de mode dans la boîte. Mais juste avant, il y aura la grande compétition de triathlon culturel, une discipline que beaucoup d'artistes pratiquent. Marc, dis-nous de quoi il s'agit. Bien, le triathlon culturel est constitué premièrement de la déception synchronisée du milieu culturel suite aux coupures du fédéral. Mm-hmm. Ensuite, ça se poursuit par le concours d'attente pour des subventions en longueur. Ah oui. Et le tout culmine évidemment par une épreuve d'endurance très demandante qui est échelonnée sur plusieurs années, le mangeage de Kraft Dinner à répétition. Alors, manquez pas ça! Demain se tiendra la cérémonie de clôture des Jeux de Vancouver. Plusieurs scénarios sont envisageables. Mesdames, messieurs, nous voulons vous assurer que les recherchistes du COVID ont fait tous les efforts pour comprendre la culture francophone du Québec et nous sommes fiers d'avoir trouvé un grand artiste qui va chanter en français. Bon, le chanteur ne nous a pas encore retourné nos appels, mais je peux vous assurer que dès que nous aurons des nouvelles de Félix Leclerc, alors nous allons lui payer le billet d'avion pour qu'il vienne ici même à Vancouver. Alors, la grandiose cérémonie de clôture se poursuit, Vinny, et c'est maintenant au tour des athlètes commandités par Saputo de défiler. Ben oui, les athlètes Saputo, dont les vêtements ont tendance à toujours sentir un peu le fromage après une compétition. Oh oui. Et puis bon, y a même des rumeurs qui disent que le feta Saputo serait fait à partir de saumure récoltée à même les sous-vêtements des athlètes. Oh, Vinny, attention, je dois t'interrompre parce qu'on m'annonce à l'instant que Quetchi, une des trois mascottes des Jeux de Vancouver, vient de se rebeller. Quetchi, qui je vous le rappelle est un Bigfoot, un Yeti. Oh, le voilà, il s'en vient, il vient vers nous, c'est affreux, Vinny. Mais est-ce que je me trompe ou à regarder Quetchi, on croirait qu'il a des maux de ventre et il semble se tordre de douleur. Peut-être qu'il a probablement mangé trop de McDonald's éventuellement. Oh. Eh bien, habituellement, on éteint la vasque olympique en coupant le gaz, mais cette fois-ci, on l'a éteinte en soufflant dessus. Oui, Gary, le comité organisateur des Jeux, qui j'en suis sûr en ce moment, doit penser à ses crédits de carbone. Ouf, assurément, parce que le Covent voulait sortir des Jeux avec un bilan carbone neutre, eh bien, la situation vient drôlement de se compliquer avec ce pet de Yeti, là. Et pendant ce temps, dans le bureau du premier ministre Harper. Le programme Anneau le podium est un échec. Nous avions besoin de plus de médailles d'or. Mais pourquoi cette obsession pour les médailles d'or, Monsieur Harper? Parce que je voulais faire fondre les médailles d'or pour me fabriquer le ultimate weapon pour tuer les talibans. Oh non, pas un fusil en or! Oui, je voulais devenir the government with the golden gun. Mesdames, messieurs, nous venons d'apprendre la triste nouvelle concernant Félix Leclerc. Alors nos condoléances les plus sincères. Nous nous sommes remis au travail et nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons trouvé un point commun entre nos deux cultures. Nous aussi, le patinage artistique, on trouve que c'est gay. Pour clore cette cérémonie, voici un petit film nous présentant l'avancement des travaux dans la prochaine ville hôte des Jeux Olympiques d'hiver, Sochi, en Russie. Les travaux vont bon cours. Nous serons prêts. Il ne nous reste que quelques écosystèmes à détruire, quelques centaines de personnes à déporter et quelques villages entiers à brûler. Bref, tout va bien. Et soyez assurés, suite à la demande de Claude Mayotte, tous les athlètes masculins qui participeront aux Jeux de Sochi seront soumis au test de masculinité. Un bon coup de pied dans les chenolles. Sur ce, voici Garou pour interpréter l'hymne national russe. Oh, ah! Garou a réussi le test de masculinité. Bravo, Garou! Ah! C'était une toute nouvelle capsule, en fait trois, de Vidon dans la question sur les Olympiques. On a entendu images olympiques, olympiades culturelles et cérémonies de clôture. La semaine prochaine, il va y avoir trois autres nouvelles capsules. Le club battu, le salon de l'auto et l'histoire d'un commentateur sportif qui confond relations amoureuses et hockey. Ça se passe jeudi prochain ici à Assemblage Rocky. C'est vraiment frais ça comme matériel. Là. Ça parle vraiment de trucs très très récents. C'est un peu grinçant aussi, hein, celle-là. C'est trash, hein? Ouais. Ça a pas changé tant que ça, il me semble.

C'est fou comme un balai. C'est fou de la scène émergente. Jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou 89.1. Toujours avec Kiwan et Mathieu à Assemblage Rocky. C'est l'émission du retour en pièces détachées où on a plusieurs morceaux qui s'imbriquent les uns dans les autres ou par-dessus les uns les autres ou autour d'eux. Où là, tu fais les coins, puis après ça, tu as tout le tour à faire. C'est long. Ouais. Résumé, l'émission est longue. C'est comme une émission de bricolage, en fait. C'est ça, sortez la colle. Pareil comme Art Attack. Ah oui, Art Attack. Ah, oh, j'aimais ça, Art Attack, ça. C'était très, très, très bon. On parlera pas de bricolage avec elle, par contre, mais on accueille Stéphanie Gagné pour sa chronique Ton plat favori. Salut Stéphanie. Allô? Salut. Allô? Ça va? Oui, vous. Ben oui, nouvelle juge, là, des mars de la relève, toi, là. Ben oui, toi, chose. Chose toi-même. Ça j'aime va bien, ça, t'aimes ça? Oui, j'aime ça. C'était vraiment le fun. Il y a un groupe qui était vraiment écœurant. J'ai essayé de les trouver sur Internet, puis ils n'ont pas de MySpace, ça a l'air. Malheureusement. Il y a encore des groupes sur Terre qui n'ont pas de MySpace, c'est ouais, dur à croire. En effet, mais c'est ce groupe-là qui a gagné. Auguste. Auguste. Oui, c'était très folk, tranquille, du genre Vincent Vallière, puis ces gens-là, mais plus musique d'ambiance, mais c'était vraiment bon. Parfait, on te demandera une petite mise à jour comme ça de temps en temps pour voir qui avance dans la procédure, le processus. Ça dure combien de temps, ça, sais-tu? Je pense que la finale est au mois de mai. Ouais, c'est ça. C'est quand même long. D'accord. Je pense que c'est fin mai. Parfait. Pour le sujet de ta chronique aujourd'hui, on avait un indice qu'on a dévoilé tout à l'heure qui est facteur humidex. Oui, facteur humidex. Tu parles de piment fort. C'est chaud. Non? Mais avec mon œil de... Ton œil de... Pain bêche. Hey! Bon, fait que c'est ça. Dans le fond, j'ai pensé à ma chronique tout à l'heure. Puis quand je suis sortie du travail, ben, j'ai vu qu'il faisait beau puis que j'ai pu enlever mon manteau. Fait que j'ai décidé de faire ma chronique sur des chansons d'été. Fait que la première chanson, elle a le mot « summer » dedans. Ah. Mais finalement, j'ai pas trouvé d'autres chansons avec « summer » dedans. « The Summer is Magic » ou « L'été, c'est magique » de Chambre 22. Hein? Oh. Oh! Très bonne suggestion, ben, ça. Oui. Alors, c'est un inside, oui. J'ai trouvé un autre groupe, mais bon. Alors, la première chanson, c'est Johnny Foreigner, un groupe que j'adore. C'était mon album de 2008. C'était « Wait It Up Till It Was Light ». C'est un groupe anglais. Puis moi, un groupe anglais en partant, j'adore. Voix féminine, voix masculine. C'est vraiment spécial comme groupe rock, comme Los Campesinos. Genre enjoué. Oui, très enjoué. Oui, ça ressemble beaucoup à Los Campesinos. Oui, vraiment. C'est pour ça que j'ai commencé à écouter Los Campesinos. Je connaissais pas ça. Je connaissais Johnny Foreigner. Puis on m'a suggéré ça, vu que ça se ressemble quand même pas mal. Mais c'est ça, ils ont sorti un deuxième album, mais il n'est pas encore sorti au Canada. Je sais même pas s'il va sortir un jour, parce que ça fait quand même, je pense, 4 mois qu'il est sorti en Angleterre. Fait que l'album, c'est Grace and the Bigger Picture, et j'attends avec impatience qu'il sorte ici. Parenthèse sur Los Campesinos, ils vont être au Québec au mois d'avril prochain. Et le groupe qu'on a entendu, là, environ 5 minutes, si vous vous rappelez bien, juste avant la pause, on a entendu une pièce du Royaume des Morts. Ils vont faire la première partie de Los Campesinos quand ils vont être à Laval. Ils vont passer à Laval. À Laval. Assez étonnant. Pas Montréal, pas Québec, Laval. Non, ils vont être sûrement à Montréal aussi, mais à Laval entre-temps. Ah! Oui. Donc, entre-temps, oui. Mais nous, c'est pas Los Campesinos qu'on va écouter tout de suite, c'est plutôt Johnny Foreigner. Oui, avec la pièce Feels Like Summer, pièce très courte, mais très, très bonne, très enjouée. Parfait, on l'écoute tout de suite à Assemblage Rocky dans la chronique Ton plat favori de Stéphanie Gagne. Some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some summer, some like summer. Said he's not, he's the boy who'll never drink again. She is the girl that has been drunk at all. Now her lips in the first two lovers, but nothing compares to the sour summer. And ever since college, this devil has had it. Her statement, her knowledge, is honest. She stole a poster every time it was back. A song whose fans never knew what the soundtrack. Toujours la chronique Ton plat favori à Assemblage Requis avec Stéphanie, Mathieu et Kiwan. On vient d'entendre Feels Like Summer de Johnny Foreigner. Très estival en effet. Oui, tiré de leur deuxième album, Grace and the Bigger Picture. Album sorti fin 2009. C'est ça qui est ça. Très joli. Ouais, c'est très très enjoué. Ça me rend de bonne humeur. Ça me donne le goût d'aller me baigner, d'aller me bronzer. Malheureusement, je peux pas faire ça encore. J'avais le goût de sortir en gougoune tantôt, mais je me suis dit, il y a encore de la neige dans mon parking. Peut-être un petit peu trop, là, à ce niveau aussi. Ouais, moi, je m'énerve un peu dès qu'il y a un peu de soleil. Hein. Mais le Dairy Queen est ouvert. Oui. Oui. Hein. Depuis quand? La fin de semaine passée? Ouais. Ouais. Ridicule. Non! C'est génial! On était en février la fin de semaine passée, je vous rappelle. Ouais. C'est pas grave, ça! C'est vraiment brillant. C'est vraiment cool. Bon, on parlait de Los Campesinos tantôt. Et ma deuxième pièce, c'est justement Los Campesinos avec la pièce Death to Los Campesinos, la première pièce de Hold On Now Youngster. Qui n'est pas leur, leur plus récent album. Kiwan, dis-moi, c'est sorti en quelle année? Celui-ci est sorti en 2008, ça fait pas longtemps. Mais fait que je pense que c'est l'avant-dernier. Il y en a eu deux autres après lui, moi je pense. Deux autres? Je pense que oui. J'en ai un autre, mais c'est pas le dernier. Parce qu'il y a Romance is Boring qui est sorti en 2010, ouais. Là, ouais. Récemment. Qui sur le palmarès, d'ailleurs. Entre-temps, il y en a eu un autre. Ouais, ouais. Le bleu, là. Ouais. OK. Je pensais que le bleu était sorti avant. Non. Bon. Moi, je suis pas au courant. C'est pas vous dire. L'autre, c'est celui avec You Are Beautiful, You Are Doomed. You Are Doomed, oui. Ouais. Oui. Je pense que c'est le nom de l'album, c'est ça. Ouais. Hein? Bon, voilà. Et voilà. Et nous, on écoute Dead to Los Campesinos de l'album Hold On Now, Youngster. Tout ça tout de suite à Assemblage Requis. Dans le bloc estival. Father Europe, don't be mad at me. Peasant child, you're into botany. Splitting necks. Encore moi qui parle? Toujours toi. C'est toi la vedette de cette chronique ton plat favori. Ben oui. Toi chose. Toi chaise, c'est vraiment rendu... Ah, j'ai un de mes amis qui dit tout le temps. Chumé body body. Body body. Chumé chumé. Ça sort. Donc c'est Los Campesinos. Oui. Death to Los Campesinos de l'album Hold On Now Youngster. Qui on l'a appris et le précédent album. Oui. Précédent album. Le mais premier. Ils en font tellement souvent, c'est dur de se rappeler ouais, de c'est ça, tous les albums. Trop, Tu sais qu'ils existaient depuis 2007? Depuis 2007, puis leur troisième album est sorti cette année, Romance is Boring. Mm-hmm. Et là, tantôt, je vous parlais de spectacle au Québec. Ils sont même pas annoncés sur le MySpace de Los Campesinos. Les spectacles au Québec sont pas annoncés encore, mais sur les groupes qui font les premières parties, donc Royaume des Morts, eux annoncent déjà le 18 avril prochain un spectacle à Laval avec Los Campesinos, donc je pense qu'on peut dire que c'est à l'état de rumeur pour l'instant. Ça va être la fin de session, ça. Oh. J'espère que je vais réussir à y aller pareil. 18 avril. Je vais mettre ça dans mon calendrier. Et voilà, tu nous en reparleras. L'été devrait être pas mal arrivé d'ici là, ou presque. Là. Dans un mois et demi. Devrait faire beau. Ça va être estival, tu sais, pour voir la Skimpe. En avril, découvre-toi de tous tes fils, qui disent. Pas exactement comme ça, mais ouais. Ça ressemble à ça. Toi, t'étais prête à le faire en février, donc. Ouais. En avril, c'est sûr que tu vas être sur la plage. Ah, c'est sûr. Ouais. Bon, donc, merci beaucoup, Stéphanie, pour ta chronique, ton plat favori. On te retrouve jeudi prochain. Oui. Avec une autre surprise. Bien sûr. On sait jamais à quoi s'attendre avec toi, hein? Jamais. Non. Jamais. Ouais. Et aussi, on écoute ton émission, Lapin Bêche en mission. Il est-tu fatigué? Ça arrête jamais, tout non, le temps. Ouais. Ça s'en vient, ça, dans une vingtaine de minutes environ. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette émission aujourd'hui? The Fratelli, Shout Out Loud, Franz Ferdinand, Radio. Je vais aussi parler de leur album qui est sorti, qui n'est pas si écœurant que ça. Le lancement a lieu ce soir. Hein? Oui. Les critiques sont très bonnes, par contre. Je ne vais pas te contredire. Là, mais... Non, mais c'est tellement moins hip-hop. C'est vraiment moins. Puis il n'y a pas les mêmes hits que dans... qu'avec Jacuzzi puis Cliché Hot. À part Dekchou que je capote, là, c'est pas mal tout. Moi, en tout cas. Moi, je l'aime beaucoup, en tout cas, l'album. Belmundo Regal. Moi, pas tant. Mais bon, pendant qu'ils wantent tous, on va parler ensemble. Hey, salut. Ouais, ça aurait tellement pas paru si tu l'avais pas dit. En plus, il est vraiment allé s'accroupir dans le coin de la pièce pour aller tousser pour pas que ça paraisse. Quasiment au-dessus de la table. Il y a le mérite, là. C'était pour regarder en dessous de ta jupe, Mathieu. Calembour. Non, c'est pas calembour du tout. Ah, vas-tu finir la semaine? Non, c'est pas vrai. Il nous reste encore une vingtaine de minutes ensemble, ben oui. Kiwan et moi. 20 belles minutes ensemble, 20 minutes de plaisir à partager ensemble. Mathieu, moi, Stéphanie, les auditeurs, tout le monde ensemble. Ça va être magnifique et on va commencer ça tout de suite, histoire d'achever au plus sacrant. Avec une pièce de Winter Gloves, on va écouter Invisible. T'sais? Invisible, ben pourquoi pas. Ça te va? Stéphanie puis moi, on va trouver un surnom pour les auditeurs, le public d'Assemblage Requis, notre légion de fans, l'armée des assembleurs, peut-être. L'armée des assembleurs. Je sais pas, non? J'aime l'armée, mais pas des assembleurs. Ouais. Les fans assemblage. Invisible like the scratch on the floor. I'm crawling to the automatic doors. I'm far away. So far away. Fingers in pocket, I'm immobilized. Give me a purpose on my way back. I will follow. Thank you. Power Up First, avec la pièce Cold on the Trail. C'est extrait de leur album The Outcome, et Power Up First vont être en spectacle à Victoriaville samedi le 6 mars, c'est au Vieux Saint-Pierre. Victor Power, comme on dit. Hein? C'est déjà rare des spectacles de Power Up First, mais en région, j'imagine que ça doit l'être encore plus. Donc, manquez pas la chance d'aller les voir à Victo. Exactement. Quelque chose qui est un petit peu moins rare et qui arrive une fois par mois. Normalement, c'est chaque premier mercredi du mois. C'est Partie Intime, là, l'improvisation théâtrale présentée au Charlot à Trois-Rivières. Normalement, c'est le mercredi, mais cette semaine et ce mois-ci, il y avait quelque chose avec Pierre Curzi là, sur la langue ouais, française. C'était jeunes volontaires, je pense, ou artistes volontaires qui organisaient ça hier au Charlot. Là, une grosse soirée souverainiste. Exactement. Donc, Partie Intime a dû être déplacée au jeudi et donc ça a lieu ce soir au Charlot, si ça vous intéresse. C'est à 20 Parfait. On retourne en musique tout de suite. Oui. Avec une pièce du groupe Yes Ayer. C'est sur le palmarès anglophone. Cette semaine, on va écouter la pièce Ambling Alp. Et l'émission tire à sa fin. On se reparle dans quelques minutes quand même. On va remercier du monde puis on va se dire bye-bye. Parfait. Tantôt. Le monde est trop pressé de s'en aller de cette émission-là, je pense. Ils sont comme, vous allez se finir votre émission. Non! Non! Moi, la fin de cette pièce-là, là, c'est vraiment quelque chose. Je l'adore, là, la pièce. On vient d'entendre nos amis de Yes Sayer avec Emily Hope. Début, pas pire aussi, quand même. Le milieu aussi. Moi, je dirais que le quart, le trois quarts, le tiers, le deux tiers, le huitième, le quart de pouce et le galloper dans l'underground, USB sur mon computer, est vraiment parfait. Pas comme l'émission ici. Non, certainement pas. Certainement pas. Parlant d'émission, ben, elle est terminée. Donc, enfin, direz-vous, la fin de la semaine vient d'arriver. Mais non, c'est une très belle émission, Mathieu. Très belle semaine qu'on a passée ensemble. Oui. On va en avoir une autre la semaine prochaine. Et une autre sûrement après. On verra rendu là. On verra dans le temps comme dans le temps. C'est ça. On traversera la rivière quand le pont sera, etc. Donc, on se retrouve lundi à 15h avec une toute nouvelle émission d'Assemblage requis. Une pêche en mission va suivre dans quelques minutes. Puis, il y aura La Spirale et il y aura Skypunka, il y aura tout ça. Et si vous avez raté une entrevue dans l'émission ou quelque chose du genre, n'importe quoi, un moment cocasse, frivole, c'est demain à 6h30 et samedi à 14h que se dérouleront les meilleurs moments de C'est fou ici au 89.1 FM. Surveillez bien vos calendriers culturels locaux parce qu'il y a vraiment plein de trucs qui se passent en fin de semaine. J'ai même pas le temps de toutes les renommer tellement qu'il y en a. Donc, surveillez ça. Grosse fin de semaine si vous voulez vous divertir à Trois-Rivières. Allez retrouver les liens de l'émission d'aujourd'hui et télécharger les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. Bonne fin de semaine, Kiwan. Toi aussi, Mathieu, on se laisse avec une pièce de Deer Hunter, la pièce Nothing Ever Happened. Bye!